Alors, ça tombe bien que tu poses la question, parce que oui, j'ai eu une expérience quasi paranormale il y a quelques années, il y a même assez longtemps, à l'époque où j'étais encore étudiant à la fac. Et en fait, cette activité m'amenait à étudier, à lire tard le soir. Et puis, je vivais dans un petit appartement et j'avais plutôt l'habitude de travailler à la cuisine. Et un soir, un de ces soirs, vraiment tard, il devait être minuit, 1h, parce que j'étais assez studieux et assez assidu. Je travaillais vraiment très très tard. Donc assez tard le soir, à ma table de la cuisine, j'étais en train de lire et tout d'un coup j'entends un bruit qui m'a paru vraiment très étrange. C'était un petit souffle, quelque chose qui faisait vraiment... Alors peut-être pas à ce rythme-là, mais j'entendais vraiment une sorte de respiration qui habitait un petit peu toute la pièce. Il était tard, il faisait nuit, j'étais un peu dans la pénombre, j'ai commencé un peu à m'inquiéter. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne dans la cuisine, il n'y avait personne dans l'appartement. Et puis je me suis remis à lire en me disant que j'avais peut-être eu une hallucination. Le son recommence. Alors là, je commence vraiment à avoir assez peur. Je me saisis d'un objet, je crois que c'était le couteau à pain, et puis j'ai fait le tour de la cuisine qui n'était pas très très grande. Et ensuite, je suis sorti de la pièce, allé dans le couloir, et j'ai exploré la chambre et le salon, les toilettes, la salle de bain. Il n'y avait absolument personne. Et puis, à mesure que je m'éloignais de la cuisine, j'entendais plus vraiment ce son. Donc je me suis dit que j'avais vraiment eu une sorte d'hallucination. En m'inquiétant un petit peu pour ma santé mentale, peut-être que je travaillais trop. Je retourne à la cuisine, je me remets à lire et j'entends de nouveau ce son, mais vraiment ce son qui était très très très très proche. Et puis j'ai regardé vraiment tout autour de moi en me demandant s'il n'y avait pas un petit génie ou quelque chose qui était caché sur la table. Et puis en approchant mon oreille des éléments qui se trouvaient sur la table, tout d'un coup je l'ai approché d'une brique de Tefroi. Donc les briques, c'est ces emballages Tetra Pak où il y a du lait ou des boissons à l'intérieur. Et puis en fait, depuis l'ouverture, il y avait une sorte de respiration. Et c'était en fait le son, je pense, de la fermentation ou du travail en fait du thé froid qui crée une sorte d'échange d'air avec l'extérieur et puis qui vraiment imitait parfaitement un son de respiration. Et voilà, donc l'expérience paranormale s'est achevée par une résolution heureuse pour moi, parce que j'ai pas rencontré de fantôme, et j'ai quand même pu réaliser que j'étais pas totalement fou. Merci Antoine. Merci. Bonjour Jérémy Chevalier, est-ce que tu aurais toi aussi une expérience à nous partager? Alors, moi, j'ai pas vraiment d'expérience, mais je pense à toute cette espèce de mythe qui est autour des chercheurs de fantômes, ou les chasseurs de fantômes, comme on les appelle. J'étais tombé sur des sites à l'époque, il faut que je retrouve ça. Il y a des techniques pour pouvoir enregistrer les fantômes. Et la technique consiste à prendre un enregistreur à bande, il faut que ce soit par exemple un lecteur cassette ou un enregistreur cassette analogique. Et le mettre généralement dans l'endroit le plus froid de sa pièce, typiquement le congélateur. Apparemment, ça marche très bien dans les congélateurs. Et donc, on met sur record, on enregistre l'intérieur de son congélateur. Et quand on réécoute la bande, apparemment, on peut, si on a de la chance, écouter les fantômes qui se seraient matérialisés sur la bande analogique. Bonjour Anne, est-ce que tu as déjà vécu une expérience sonore intrigante ? Alors, quand tu me poses la question, ce qui me vient en mémoire, C'est qu'un jour, j'étais au bain de valse, dans les Grisons, et je me suis glissée dans une toute petite pièce. En fait, c'était une salle sonore qui stimulait l'audition. Il y a de la percussion qui était jouée dans cette salle, et je me suis couchée, et en fait, il s'est passé quelque chose où j'ai complètement perdu la notion du temps. La seule chose que je me rappelle, c'est que c'était la fermeture des bains, que quelqu'un m'a tapoté sur l'épaule en me faisant signe qu'il fallait que je me lève. Mais en fait, de moi-même, je pense que je serais encore restée un moment dans cette salle. Bonjour Harry, est-ce que tu as une histoire de son qui t'a surpris ou une histoire un peu bizarre à nous raconter ? Bonjour Doris, merci pour m'inviter à faire un témoignage. Dans toutes les histoires qui m'ont marqué, celle-ci m'a marqué. C'était quand j'étais étudiant à Bruxelles. J'habitais dans un immeuble où il y avait plein de petites chambres d'étudiantes, étudiants. Et c'était sur 3 étages, et j'habitais au 2e. Et un jour, il y avait trois chambres par palier. Et moi, un jour, je sors de ma chambre, comme ça, parce qu'on avait les communs qui étaient chaque fois sur le palier, et il n'y avait personne dans la maison, enfin, c'était très calme, et j'ai entendu un bruit qui faisait... Et le temps que je me concentre dessus, ça s'est arrêté. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est bizarre. Et j'attends, je fais plus de bruit. Et le son revient. Je me dis, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Et c'est vraiment un son un peu grinçant comme ça. Un peu comme un fauteuil qui grince comme ça. Et puis je me suis dit, je vais monter voir. Et puis je me suis dit, ouais, non, mais juste, je me fais des idées. C'est un truc, en fait, c'est genre un truc sur le toit, une antenne, il y a du vent. Un truc qu'on peut se dire, ouais, c'est un bruit, en fait, normal. Puis là, enfin, c'est un peu exceptionnel, mais c'est normal. Puis je ne suis pas allé voir. Et le soir, j'entends crier en haut. Ah ! Je sors de ma chambre. Et en fait, l'appartement du dessus avait été cambriolé. Et le cambrioleur, en fait, était monté jusqu'au dernier étage et avait scié le pêne de la porte pour pouvoir rentrer. Et la voisine, qui était étudiante comme moi, qui avait déjà pas grand-chose, s'était fait faucher son ordinateur, son appareil photo, enfin tout. Et moi, ça m'a glacé le sang parce que j'étais là, j'aurais pu faire éviter cet incident qui a vraiment porté préjudice à cette pauvre fille. Si vous entendez un bruit comme ça, faut juste aller vérifier comme ça. Et donc voilà. Et depuis, en fait, j'ai un tel truc avec que des fois quand j'entends des bruits comme ça qui répétitifs, je me dis toujours est-ce que je vais retomber sur ce cambrioleur? Est-ce que c'est un cambriolage? Est-ce que c'est un truc? Et puis voilà. Est-ce que ça suffit? Oui, merci beaucoup. Bonjour Mila, est-ce que tu aurais une expérience qui t'a marqué avec le son à nous raconter ? Alors, il y a une expérience dont je me souviens qui est un peu particulière. On est au Mexique en 2017, je dirais, et j'ai eu la chance de partir dans le désert avec la famille d'un ami. Il y a un chaman en fait dans la famille qui leur permet tous les ans de vivre une expérience un petit peu spirituelle, disons. Et c'est autour des peyotés, donc c'est un petit cactus que l'on mange et qui nous fait faire un grand voyage. Et on est accompagné, en tout cas, dans ce périple un peu spirituel, chamanique, tous ensemble. Et moi, j'ai vraiment eu, à ce moment-là, des hallucinations auditives. C'était surtout sur la fin, c'est-à-dire que la période, le moment de transe est assez long, autour de presque de 24 heures, donc très long. Et sur la fin, sur le retour dans la voiture, j'entendais le vent qui sifflait et j'étais persuadée d'entendre des chants de baleines. Donc ça faisait une espèce de... Et ça se transformait en chant animal. Et j'étais persuadée à ce moment-là que j'avais accès... Bon, c'est un peu perché, hein, mais que j'avais accès à un chant du monde où j'entendais les âmes des animaux qui venaient me dire qu'elles étaient là. Et j'ai pas vécu d'autres moments comme ça dans ma vie. Et je pense que ça reste un souvenir très très fort que j'ai avec moi. Merci. Et maintenant, je vais m'auto-interviewer parce que j'ai aussi une histoire à raconter. Donc, bonjour Doris. Bonjour Doris. L'histoire que je vais raconter, c'est celle de mon chef scout. Et là, on peut vraiment parler d'une histoire paranormale parce que ce qui s'est passé ce jour-là est vraiment étrange et reste inexplicable encore aujourd'hui. Mais donc, mon chef scout a un grand frère. Et cette histoire se passe quand son chef scout n'est pas encore né. Mais son grand frère avait 4-5 ans. Et il y a encore... Un babyphone qui était dans le salon relié directement à la chambre de l'enfant. Donc c'était un soir, les parents avaient mis l'enfant au lit et dans le babyphone, tout d'un coup, ils entendent le bruit d'une flûte. Du coup, ils se disent « Ouais, c'est super bizarre, quelqu'un qui est en train de jouer de la flûte dans la chambre de mon enfant. » Au moment où ils ouvrent la porte, il y a le son qui s'arrête et découvrent le petit enfant dehors de son lit en train de pleurer. Et en train de répéter les mots, le monsieur est parti. Cette histoire est encore inexpliquée. Le grand frère, il se souvient de rien, évidemment, parce que maintenant, il a 30 ans. Cette histoire a un peu traumatisé la famille, parce que c'est vraiment un événement inexpliqué et qui le restera sûrement. Voilà. Super, merci Doris. Bah, merci à toi. Archi Radio, la radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi sur archipel.org.